Je vois leurs crimes, leurs abominations raciales. Pour eux, j'ai de la peine. Je me bats pour dénoncer les imbéciles comme le Ben ou Ben Laden. S'il y a des fachos, faut qu'ils écoutent, qu'ils comprennent. Sur eux, je dégaine. Leur insulte ne m'atteint de pas, mais cela me donne la haine. Plus vague que les mauvaises, ils passent pour mon crayon, ma fesse. Le ultime, je m'entraîne. À ta poumi, à ta faya, à ta hegen, en hegen. Fier d'être black man, je check toutes les races, alors où est la gêne? Le bas avant d'opinion, les gens, c'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Ajuste le tuyau, révèle-lui, ça s'entraîne pas nous. Fasciste, raciste, hypocrite, mon con, huit, la gêne, pas nous. Parce que chahier nous sentit avec un youin qui pas nous. Bois d'amant, nous soldats, pas qu'à y rabaisser, nous, pas you. L'homme est l'ennemi de l'homme. Où est la différence? Où est la différence? Tout le monde est chien, il faut dire qui est là. Toujours les mêmes mecs à la traîne. Sans cesse, sans panne, on cherche à nous gagner nos peines. Nos quêtes sans cesse, passant le ben. On nous balance des vannes, nos traînes de la bonobo, nos crânes. Tapis j'émane, les pièges qu'émane de la route que l'on mène. Maintenant c'est chacun pour soi, plus personne te dépanne. La chaleur est tous nos esprits. Aïe, toujours les mêmes mecs. Le match dénonce les plaies qui touchent les miens, j'énonce. Sous l'instrumental m'émancipe la couleur, j'annonce. Trop de jeunes condamnés au trafic, volent, ils veulent se faire un tas de fric. Des ghettos doivent de l'eau jusqu'en Afrique. La misère frappe selon ta zone géographique. Entre fort il est temps, mais que les armes composent. Concentre Dieu, plus beau test de pécon. Yeah, ici. Où est la différence? Où est la différence? Pour qui te prends-tu de dire que l'homme est l'ennemi de l'homme? Où est la différence? Où est la différence? Tout mon échec n'y peut dire qui est là, yo. Où est la différence? Où est la différence? Pour qui te prends-tu de dire que l'homme est l'ennemi de l'homme? Où est la différence? Où est la différence? Tout mon échec n'y peut dire. Dis-moi qui voilà yo, dis-moi qui voilà yo. Il faudrait que tu m'expliques, Ener, ta politique est telle sur le physique pour rendre les gens phobiques. Mentalité diabolique, comme remettre la chaise électrique. Ça me rappelle les nazis qui brûlaient des vies avant ce temps. Casse mes doux, pris les bois, dit que ça genoux. Dans le Wanda, si bon dans la si où t'avais pas de message à yo, qui pas qu'à tienne pour vous.